Bonsoir. 20h30, c'est l'heure du feuilleton. Ce soir, vous pourrez entendre en nouvelle diffusion Jean Zay, Souvenirs et Solitude. Un feuilleton diffusé en direct sur France Culture au mois de mars 2013. En 1932, Jean Zay, jeune avocat au barreau d'Orléans, est élu député radical du Loiret. En 1936, à 32 ans, il se voit confier par Léon Blum le ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Il démocratise et modernise le système scolaire français et est à l'origine de la création du Musée de l'Homme, du Musée d'Art Moderne, du CNRS, de l'ENA et du Festival de Cannes, même si ces deux derniers ne verront le jour qu'après sa mort. Il est sans relâche attaqué par l'extrême droite française comme ministre du Front Populaire, anti-Minicois, juif et franc-maçon. En 1940, hostile à l'armistice, il est l'une des premières cibles du régime de Vichy. Après un simulacre de procès, il est emprisonné. Souvenirs et solitude est l'œuvre à laquelle, de 1940 à 1944, Jean Zay, malgré la dureté de ses conditions de détention, consacre l'essentiel de ses forces. Il est assassiné par la milice française le 20 juin 1944. Il a 39 ans. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est pourquoi, en cet anniversaire mémorable, nous nous sommes réunis sur ce terrain, modeste berceau de notre liberté, de l'égalité des droits et de notre unité nationale, pour élever notre esprit reconnaissant vers ces ancêtres de 1789 qui, nous en sommes convaincus, ont bien mérité de la France et de l'humanité. Jean Zay, Souvenirs et solitude. Choix de texte et interprétation, Benoît Giros et Pierre Beau. Improvisation musicale, François Couturier. Dernier épisode, 1943-1944. Troisième printemps de captivité. Lundi 15 mars 1943. Pour la troisième fois, j'ai bêché les quelques mètres carrés de ma cour, dont un peu de verdure et une grande puissance d'illusion feront bientôt, pour la distraction de mes yeux, mon jardin. J'ai planté deux petits saules et des fleurs, semé du gazon. Le premier soleil de l'année, frais et pâle, a franchi la crête du mur. À force de retrouver dans le même enclos minuscule cette végétation symbolique, je finis par croire que ces fleurs sont toujours les mêmes, ce sont sans cesse les mêmes plantes dont j'observe les métamorphoses. Il me semble que la nature m'a délégué une portion de sa richesse, qu'elle a affecté à ma cour pour me tenir fidèlement compagnie un échantillon des splendeurs dont j'ai perdu la vue. Quelques fleurs et quelques brins d'herbe se sont fait prisonniers avec moi. Leur amitié végétale m'assure silencieusement qu'ils resteront jusqu'au bout à mes côtés, qu'ils ne m'ont pas quitté depuis 2 ans. Et que si l'hiver les a rendus invisibles, ils n'en étaient pas moins présents, sous la neige, attendant le moment de reparaître sous un habit nouveau, de me faire leur petit signe d'encouragement. De même, cet oiseau qui chante sur le toit, qui descend quelquefois dans ma cour picorer les miettes que je lui jette. C'est le même oiseau qu'hier, le même que l'an dernier. Il y a 2 ans, chacun de ses sautillements, de ses mouvements de tête et jusqu'à son envol brusque me sont familiers. Qu'il disparaisse, il reviendra. Et ce sera encore le même, celui que la famille des oiseaux a désigné pour la représenter auprès de moi, partager ma captivité. Car les bêtes n'acceptent pas, elles, que l'homme reste seul. Le vieux calendrier de prisonnier, composé de tirettes de papier glissant dans les fentes d'un carton, qui me permit de conserver la notion des jours à Marseille, dans la cellule du Fort Saint-Nicolas, et que j'ai gardé par superstition, m'apprend ce matin que j'atteins mon 1000e jour de captivité. Mercredi 12 mai 1943. 1000 jours. Pourtant, ces 3 zéros m'impressionnent moins qu'autrefois les 2 de mon 100e jour. En s'accumulant, les jours se rétrécissent, s'amenuisent, comme une pyramide qui va vers sa pointe. Le prisonnier qui doit vivre des années entre 4 murs ne peut échapper au dilemme, se laisser écraser par l'idée et la sensation du temps, en subir l'obsession grandissante, chaque jour plus douloureuse, ou bien le dominer, le vaincre, l'abolir. Être le vainqueur du temps ou son vaincu, la prison ne permet que ces 2 sorts extrêmes, dessus ou dessous le bouclier. Une grande perspicacité n'est pas nécessaire, ni une particulière originalité de pensée pour comprendre qu'on ne peut gagner que par un travail méthodique et l'oubli du monde. Il faut apprendre à placer désormais sa vie non dans la compagnie des hommes, mais dans le souvenir et dans l'attente de l'avenir, dans l'imagination et la méditation. Alors on oublie le temps en s'en servant, comme dit Baudelaire. On écoute ce qu'Herriot appelle la plus belle de toutes les musiques, l'accord de la solitude et du silence. La captivité modifie peu à peu la notion du temps, en bouleverse les dimensions. Ce n'est qu'en prison que l'on comprend Proust. Il voulait fixer le temps, c'est-à-dire l'abolir, car c'est la même chose, qu'il arrête, le supprime. Cette recherche du temps perdu, qui n'était que la quête d'un instant éternel, d'un instant intemporel, vécu sans discontinuité, sans rupture, sans écoulement, la conquête d'un état d'équilibre, où le passé n'est plus séparé de nous, se fond en nous, où l'avenir n'est plus attendu avec l'anxiété de l'impatience. Ce merveilleux détachement qui permet de s'identifier à notre être, de s'y incorporer en un sentiment d'éternité et d'immortalité, tout cela qui est en somme la recherche de l'absolu, la leçon de Proust, la prison en rend l'accès facile, parce qu'elle nous ôte de force à tout ce que notre volonté ne quitterait pas sans combat, qu'elle nous impose toutes les conditions de l'expérience parfaite, comme si elle nous plaçait sous la cloche d'une machine à faire le vide. Le poids de la solitude s'accroît avec le soir, et la nuit est couleur de détresse. Dimanche 13 juin 1943. Assombrie par les hautes murailles qui l'encaissent, ma cellule commence tôt un crépuscule interminable. Je retarde le plus possible le moment d'allumer la lampe électrique. La lumière expirante du jour est encore une communication avec le dehors. J'en use jusqu'à la dernière parcelle. C'est dans cette pénombre prolongée que je reconnais la belle saison qui me donne chaque jour un gain de quelques minutes, gain de clarté et de naturelle sérénité. Je ne cède à la nuit qu'à la dernière extrémité, quand, sous la plume, les jambages ivres se chevauchent ou quand le livre noyé d'ombre exige d'être deviné. J'ai poussé ma table tout contre la fenêtre ouverte, dont les barreaux et le grillage découpent sur le papier le crépuscule en hexagones légers. Circonscrite à cette pièce unique, enfermée dans quelques mètres carrés, mes habitudes, ou simplement mon instinct, y ont trouvé 2 axes de vie. L'axe d'été se colle à la fenêtre, attiré par le jour comme l'insecte par la lumière, et cherchant à fuir au dehors, à se dilater, à s'étendre. L'axe divers passe par le centre de la cellule où ronronne le poêle. Il se rapproche de lui, voudrait se confondre avec le feu. Tente de se raccourcir, de se replier, de se concentrer. Ainsi, la pensée au beau temps prend son essor et gagne le large, narguant les murs de la prison. Pour se réfugier en elle-même, s'accroupir frileusement quand viennent le froid et les ténèbres. Ces déplacements de ma table sur quelques mètres, de la fenêtre au poêle, du poêle à la fenêtre, mesurent la marche égale des années. Ce soir, vers 9h30, comme je vais être vaincu et allumer l'électricité qui délimitera le bloc de ma solitude, le silence est brusquement interrompu par un tintamarre qui vient de la place voisine. C'est la foire annuelle du pays. La musique y est interdite, mais les chants et les cris, les disques, les parades foraines n'en sont pas moins assourdissants. Car le bruit, sinon la musique, est inséparable de la réjouissance populaire. Tantôt me parvient seulement un vacarme confus, bizarrement orchestré par la distance et le vent, tantôt un membre de phrase, la détonation d'un tir, un cri aigu de fille se détache sur le fond sonore pour faire surgir dans mon imagination le spectacle, le détail précis qu'il évoque. À minuit, quand le vacarme s'éloigne peu à peu, se tait comme décroît le flux, quand le silence renaît, j'ai dans les membres et l'esprit la même fatigue, la même lassitude contente, un peu déçue que si j'avais passé la soirée à parcourir la foire, à muser devant les baraques foraines. Je suis rendu à ma claustration et j'en retrouve avec étonnement les contours oubliés. Je me couche. La lampe éteinte, un lourd entracte de silence et de nuit suit l'extinction des échos du dehors. Puis une autre vie s'éveille, qui se peuple de frôlements, de paroles chuchotées, de lumières fugitives, c'est l'existence interne de la prison. Elle est tour à tour insolente comme les bottes bruyantes des gardes mobiles qui se relayent devant ma porte, leur conversation, dont un mot énigmatique cueilli au hasard m'intrigue longtemps, et discrète comme les chaussons de nuit des surveillants, leur ronde dont l'habitude feutre chaque détour. De temps à autre, la lampe de contrôle s'allume brutalement au mur, me frappant au visage, et je me réfugie sous les draps pour protéger un sommeil qui ne vient pas. Même si je n'entends plus rien, je sais qu'un doigt soulève la paupière du trou rond qui perce le guichet, qu'un œil se colle à chaque ouverture, que mon îlot désert est cerné de créatures attentives. Mon insomnie guette longtemps, attendant je ne sais quoi, quelque chose d'inconnu qui doit surgir de ce mystère indéfinissable. Puis l'anxiété se détend, sombre dans la rêverie, perd pied, et le sommeil que je n'espérais plus emporte toute conscience, ne livrant désormais au regard invisible qui converge vers mon lit qu'une forme immobile et indifférente. J'ai vécu depuis 3 ans en ne voyant qu'un petit nombre d'êtres et chacun peu de temps. Lundi 16 août 1943. Je croyais être privé des 1000 spectacles de la variété humaine, des vices, des vertus, des beautés, des laideurs, d'une inépuisable diversité qui, émaillant la foule, en rend la fréquentation si curieuse, quand je me suis aperçu que chaque homme est un microcosme, qu'il suffit d'en considérer un pour les retrouver tous, et qu'on pourrait même n'en voir aucun, car c'est en soi qu'on découvrirait peu à peu tous les aspects qui semblaient particuliers à d'autres. Sans doute est-ce un des miracles de la solitude que de vous rendre clairvoyant, et en concentrant votre attention sur les rares visiteurs, de vous révéler tout leur caractère ignoré jusque-là. Car dans le grouillement de la vie habituelle, on ne voyait en chaque être que le trait essentiel, le plus visible, on méconnaissait tous les signes secondaires. Une pareille clairvoyance vous échoit sur vous-même. Tout au long d'une journée de réclusion, au fil de la pensée, on découvre en soi, avec surprise, 1000 réactions qu'on se croyait les plus étrangères, qu'on observait sans les comprendre chez autrui. Il n'est plus guère de sentiments qui restent inaccessibles, plus de portes secrètes qui ne s'ouvrent devant la rêverie. Peut-être la solitude développe-t-elle tous les traits d'humanité ? Aide-t-elle à devenir un monde clos à soi seul ? Et par une sorte de self-défense, de protection contre ses propres dangers, procure-t-elle des armes et des défenses et des ressources nouvelles, comme à ces animaux des grandes profondeurs marines ou des forêts sauvages qui possèdent des organes plus développés que leurs semblables des contrées privilégiées ? Le plus grand danger pour le reclus serait de se fatiguer lui-même, de ne plus pouvoir se supporter. Il faut à son être intime une variété nouvelle pour se donner le change. Une loi mystérieuse y pourvoit. Ainsi, en aucun cas, ne pourra-t-on jamais être vraiment seul. Récompense et punition. On ne peut se délivrer de l'humanité tout entière qu'en se délivrant de soi-même par la mort. L'homme soudain isolé ressemble à qui, ayant longtemps couru après un inconnu, le rejoint enfin et le dévisage. L'inconnu s'est arrêté, vous fait face. On le regarde passionnément. Il est tout à fait différent de celui qu'on imaginait. Vous révèle des traits insoupçonnés qui vous ravissent et vous navrent tour à tour. Et c'est soi-même qu'on contemple avec des yeux nouveaux. L'hiver semble se hâter et bousculer l'automne. Fuite du soleil dans ma cour. Lundi 4 octobre 1943. Vers un cinquième hiver de guerre, et pour moi, un quatrième hiver de prison. Pourtant, on a vécu tout l'été dans l'espoir de l'éviter. Et aujourd'hui encore, la plupart des gens espèrent voir avant Noël la fin du conflit. Je ne crois pas que deux Français puissent s'aborder sans se poser cette question. Pensez-vous que nous passerons encore l'hiver ? Il semble que la délivrance du pays supprimerait l'hiver lui-même, installerait à sa place un printemps supplémentaire. Cette nuit, j'ai eu pour une fois un petit compagnon. Le chat de la cuisine que j'ai emprunté pour qu'il détruise quelques souris. Mais je suis si habitué aux veillées solitaires que la simple présence de cet animal silencieux, ses moindres mouvements, trouble mon travail ou ma lecture. Quand je parviens à l'oublier, je sursaute s'il frôle soudain mes jambes. Il attrape vite une souris, mais ne veut que jouer avec elle et la laisse 20 fois échapper. Quand il l'a perdue, il pleure interminablement. Et puis il devient exagérément affectueux, s'assied devant ma plume, escalade mes épaules. Je lui parle, et ma cellule nocturne s'étonne d'entendre une voix qui reste d'ailleurs sans réponse. ce qui m'irrite un peu. Un détenu de la maison centrale, maçon de son métier, vient percer une porte dans le mur de ma cour pour permettre d'y placer un factionnaire de nuit. Jeudi 7 octobre 1943. C'est un Italien condamné à 10 ans de réclusion. La moitié de la vie d'un homme, dit-il. Mais il a déjà fait 8 années et a presque fini. Ainsi que tous les captifs, il parle de sa liberté future comme d'un monde nouveau et idéal, une sorte de résurrection. On sent que 10 années de prison doivent s'oublier aussi vite que 10 jours ou 10 mois. Il m'apprend qu'il est question d'élever derrière ma cour une sorte de mirador où se tiendrait une sentinelle armée. Ma cellule va prendre l'aspect d'une forteresse. Vers 4 heures, nous entendons une courte rafale venue du chemin de ronde. Les surveillants nous annoncent presque aussitôt qu'un homme du groupe mobile de réserve, en maniant maladroitement son pistolet mitrailleur, a tué net un de ses camarades. Accident fatal. Les groupes mobiles de réserve se recrutent au petit bonheur parmi les jeunes gens dont beaucoup n'ont aucune expérience des armes. Il y a quelques jours, l'un d'entre eux a fait partir son fusil de chasse devant ma porte. Quelquefois, le factionnaire du chemin de ronde tire au hasard sur une ombre. Ici s'arrêtent les souvenirs de Jean Zay. Le régime auquel il était soumis n'allait cesser de s'aggraver. Une surveillance étroite, des fouilles incessantes, lui interdisaient désormais d'exprimer librement sa pensée, sinon dans des lettres admirables qu'il parvenait à faire passer à ses amis. Bien qu'il ne reçût plus de visite hors de la présence de ses gardiens, il put néanmoins remettre à Madame Jean Zay les derniers feuillets de son journal, comme il lui avait remis les premiers. « 19 juin 1944. Voici la dernière étape, celle qui sera brève et au bout de laquelle nous nous retrouverons unis et tranquilles dans notre bonheur avec nos filles. Elle était inévitable. Il faut la supporter avec courage et confiance, avec une certitude entière et une patience inébranlable. Ainsi je ferai, même loin de toi, même sans nouvelles. Chacun de nous restera plus près que jamais de la pensée de l'autre et lui inspirera à distance toute sa force. Chacun de nous restera plus près que jamais de la pensée de l'autre et lui inspirera à distance toute sa force. Je te confie mes filles et sais comment tu les garderas. Je te confie papa. Dis-lui surtout de n'avoir aucune inquiétude d'aucune sorte. Tu le rassureras pleinement ainsi que Jacqueline. Je te confie, papa. Je pars plein de bonne humeur. Dis-lui surtout de n'avoir aucune inquiétude d'aucune sorte. Je n'ai jamais été si sûre de mon destin et de ma route. Tu le rassureras pleinement ainsi que Jacqueline. J'ai la conscience tranquille. Je pars plein de bonne humeur et de force. Je n'ai jamais été si sûre de mon destin et de ma route. J'ai le cœur et la conscience tranquille. Je n'ai aucune peur. J'attendrai comme je le dois, dans la paix de ma pensée, l'heure de vous retrouver tous. À bientôt. Jean Zay. Le 20 juin 1944, 3 miliciens français porteurs d'un ordre de mission venant de Paris sortirent Jean Zay de sa cellule de la maison d'arrêt de Rion pour l'enlever, puis l'abattre dans un bois près de Cusset, dans l'Allier. C'était, en nouvelle diffusion, Jean Zay, Souvenirs et solitude, un feuilleton réalisé en direct du studio 114 en mars 2013. Choix de texte et interprétation, Benoît Giros et Pierre Beau, et les voix d'Hélène Losseur et de Jean Zay. Improvisation musicale, François Couturier. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Manon Houssin, Guy Peramor, Pauline Ziadé, Marguerite Gâteau. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à Hélène et Catherine Zay. Souvenirs et solitude est publié aux éditions Belin.